Puis l'imam Mohamed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, cite le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, un hadith authentique, rapporté par al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: trois personnes parmi les fils d'Israël, un lépreux, un chauve et un aveugle. Allah Azzawajal a voulu les éprouver et leur a envoyé un ange. L'ange est venu au lépreux et lui a dit: que souhaiterais-tu le plus avoir? Quelle est la chose que tu souhaiterais obtenir et qui est la plus aimée chez toi? Il a répondu: une belle couleur et une belle peau, et qu'Allah Azzawajal enlève de moi ce qui cause la répugnance des gens à mon égard. L'ange a alors passé sa main dessus et ce qu'il répugnait a disparu. Il lui a été donné une belle couleur de peau ainsi qu'une belle peau. Puis l'ange lui a dit: quel bien aimerais-tu le plus avoir? Il a répondu: des chameaux ou des vaches. C'est un doute de Ishaq et l'on verra que Ishaq est l'un des rapporteurs du hadith. Il lui a alors été donné une chamelle pleine de 10 mois, c'est-à-dire qui porte et qui est en gestation depuis 10 mois. وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا. Et l'ange lui a dit: qu'Allah te mette la bénédiction dans cette chamelle. Puis il se rendit chez le chauve et lui dit: quelle est la chose que tu aimes le plus? Que souhaiterais-tu le plus? Il a répondu: avoir des beaux cheveux, et qu'Allah Azzawajal enlève de moi ce qui cause la répugnance des gens à mon égard. Il l'essuya et ce dont il se plaignait disparut. Il lui a alors été donné de beaux cheveux. Puis il lui a dit: quel est le bien que tu aimes le plus? Il a répondu: les vaches ou les chameaux. Il lui a été donné une vache en gestation. Il lui a dit: qu'Allah place sa bénédiction dans cette vache. Puis l'ange se rendit chez l'aveugle et lui dit: quelle est la chose que tu aimes le plus? Que souhaiterais-tu le plus? Il a répondu: qu'Allah Azzawajal me redonne la vue afin que je puisse voir les gens. Il l'essuya et Allah Azzawajal lui rendit sa vue. Puis il lui dit: quel est le bien qui est le plus aimé chez toi? Il a répondu: les ovins. Il lui a alors été donné une brebis féconde. فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا. Les deux premiers ont bénéficié des fruits de ce qui leur a été donné, car la chamelle et la vache qui ont été données étaient en gestation. Et également, la brebis donna également des petits. De telle sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, de telle sorte que l'un avait une vallée de chameaux, l'autre avait une vallée de vaches et l'autre avait une vallée entière d'ovins. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: thumma innahu ata al-abras fi suratihi wa hay'atihi. Puis l'ange vint une deuxième fois chez le lépreux sous son apparence et sous sa forme. Et ici, nous savons, il y a deux explications. La première explication est que l'ange est venu sous la même apparence que lors de la première fois, afin que celui qui était lépreux auparavant le reconnaisse. Et d'autres savants ont dit que l'ange est venu sous l'apparence qu'avait ce lépreux avant qu'Allah Azzawajal ne le guérisse. Donc, qu'il est venu à lui avec la maladie de la lèpre. Donc, il y a deux explications et celle vers laquelle tend Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qu'on verra par la suite, est la deuxième. À savoir qu'il est venu sous l'apparence d'un homme lépreux. Il lui a dit, « Je suis un pauvre homme, un pauvre voyageur, et je n'ai plus de ressources pour continuer ma route. Je ne pourrai donc atteindre ma destination si ce n'est en comptant sur Allah, sur l'aide d'Allah, puis sur la tienne. » Puis lui dit, « Et je demande, par celui qui t'a donné cette belle couleur et cette belle peau, et tous ces biens, je te demande un seul chameau afin de pouvoir terminer mon voyage. » L'homme lui répondit, « Al-huququ kathira. » C'est-à-dire que les richesses font en sorte que j'ai beaucoup de devoirs envers les gens. Puis, l'ange lui dit, c'est comme si je te connais. N'étais-tu pas lépreux au point que les gens te répugnaient à cause de cette maladie? N'étais-tu pas pauvre? Puis Allah Azzawajal t'a donné des biens. L'homme a répondu, ceci, ces biens, je les ai hérités de mes ancêtres, de père en fils. Puis l'ange lui a dit, si tu mens, alors qu'Allah te fasse revenir dans l'état dans lequel tu étais auparavant. Puis l'ange se rendit chez le chauve, sous son apparence. Donc ici avec les deux explications. Il lui a dit exactement la même chose qu'il a dit à celui qui était lépreux auparavant. Et la réponse fut la même. Puis l'ange lui dit, si tu mens, si tu as menti dans cela, alors qu'Allah te fasse revenir dans l'état dans lequel tu étais auparavant. Puis il se rendit chez l'aveugle, sous son apparence, et lui dit, je suis un pauvre homme, un pauvre voyageur, et je n'ai plus de ressources pour continuer ma route. Et je ne pourrai atteindre ma destination si ce n'est en comptant sur l'aide d'Allah, puis sur la tienne. Je te demande, par celui qui t'a rendu la vue, une seule brebis, afin que je puisse terminer mon voyage. L'homme lui a dit, j'étais aveugle, puis Allah Azzawajal m'a rendu la vue. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Par Allah, je ne te causerai aucun tort ou je ne te contrarierai pas. C'est ça? Je ne te contrarierai pas concernant une chose que tu auras pris pour Allah. C'est-à-dire que je ne te mettrai pas dans la gêne en te demandant de me rendre ce que tu aurais pris. Puis l'ange lui dit, Amsik malak, garde tes richesses, car vous avez été éprouvé, vous avez été testé. Allah est satisfait de toi et il est courroucé à l'égard de tes deux compagnons. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أخرجاه أي البخاري ومسلم أبرس الأبرس من به داء البرص وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج وأقرع هو من به قرع وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه ويطلق القرع أيضا على الصلع وأعمى هو من فقد بصره أن يبتليهم أي يختبرهم بنعمته قذرا الناس بكسر الذال أي كرهوا مخالطتي وعدوني مستقذرا من أجله وعدوني مستقذرا من أجله وعدوني مستقذرا من أجله. شك إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث. عشرة بضم العين وفتح الشين والمد وهي الناقة الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر أو ثمانية. والدة أي ذات ولد أو التي عرف منها كثرة الولد والنتاج. أنتج أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما. وولد بتشديد اللام أي تولى ولادها. وكان لهذا واد إلى آخره أي كان لكل واحد منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم. انقطعت بالحبال أي أسباب المعيشة. أتبلغ به أي أتوصل به إلى البلد الذي أريده. كابرا عن كابر أي ورثت هذا المال عن كبير ورثه عن كبير آخر في الشرف. صيرك الله إلى ما كنت أي ردك إلى حالك الأولى برجوع الهاهة إليك. لا أجهدك أي لا أشق عليك برد شيء تأخذه من مالي. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, explique les différents termes du hadith. Akhraja, rapporté, les deux le rapportent, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Abras. Lorsque le professeur Hassan dit que trois parmi les fils d'Israël, un lépreux. L'abras, c'est celui qui a la maladie de la lèpre, qui est une blancheur qui apparaît à l'extérieur du corps dû à un problème de peau. Ou aqra, c'est celui qui a al-qara, qui est une maladie qui touche les enfants à leur tête. Puis, cette maladie fait en sorte que les cheveux ou une partie des cheveux tombent. L'on désigne aussi al-qara pour désigner le chauve également. Donc, il y a deux significations, soit une maladie qui touche les enfants et qui amène à ce que les cheveux ou une partie des cheveux tombent, ou alors cela est utilisé pour désigner un chauve. Wa'ama, aveugle, est celui qui n'a pas qui n'a plus la faculté de voir. Ton Seigneur a voulu les éprouver, c'est-à-dire les tester par ses bienfaits. Car Allah Azzawajal éprouve ses serviteurs par les bienfaits et par les restrictions et par les choses douloureuses. Et beaucoup pensent que l'épreuve qu'Allah Azzawajal éprouve ses serviteurs uniquement par les choses douloureuses, comme la maladie, comme la pauvreté, etc. etc. Dit Allah Azzawajal, il m'éprouve. Quand quelqu'un dit cela, ce qui vient à l'esprit directement, c'est Khair, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. D'accord? En oubliant qu'Allah Azzawajal, il nous éprouve par les bienfaits également. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Dans Sourate Al-Fajr, Allah Azza wa Jal dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Et l'être humain, quand son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en lui donnant des bienfaits, afin de savoir si tu vas être reconnaissant ou ingrat. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ et dans le verset d'après وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Et quand il l'éprouve en faisant une restriction sur sa pourvoyance. فيقول ربي أهانن. Il dit mon Seigneur m'a humilié. D'accord. Donc il y a deux types d'épreuves. L'épreuve par le bien et les bienfaits, et l'épreuve par les choses douloureuses ou contraignantes. Et ici, ces trois hommes ont été éprouvés par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qadiran innas, ce pourquoi les gens me répugnaient. Et chacun d'eux ont dit, et j'espère, et ce que je souhaite, c'est qu'Allah Azza wa Jal ôte de moi ce qui fait en sorte que les gens me répugnent. C'est-à-dire ce qui fait en sorte que les gens n'aiment pas me côtoyer et que les gens me considèrent mustaqdaran min ajlihim et me répugnent à cause de cela. Chaque Ishaq a douté, qui est Abdullah, qui est Ibn Abdillah, Ibn Abi Talha, le rapporteur du hadith. Concernant la réponse du lépreux, lorsque l'ange lui a demandé quel est le bien que tu aimes le plus, il a répondu un chameau ou une vache. Ushara, il lui a été donné une ushara. Al-ushara, qui est une chamelle en gestation depuis 10 mois ou 8, depuis 10 mois ou 8 mois. Walida, l'aveugle, lorsqu'il lui a été donné une brebis féconde, c'est-à-dire qui a eu beaucoup de petits, ou qui est une brebis qui est connue pour donner et pour mettre bas beaucoup de petits. Antaja, c'est-à-dire que les deux ont profité des fruits et des grandes quantités de chameaux et de vaches qui ont découlé de cette chamelle et de cette vache qui leur ont été accordées par Allah subhanahu wa ta'ala. De telle sorte que l'un avait une vallée, etc. C'est-à-dire que chacun avait comme animaux de quoi remplir une vallée. Une qata'at bil hibal, lorsque l'ange est venu sous la forme d'un voyageur pauvre et qui lui a dit que une qata'at bil hibal, si on traduit littéralement, c'est-à-dire que toutes les cordes me sont coupées. Autrement dit que les causes de la subsistance ne sont plus en ma possession. Ataballagh bihi, afin que je puisse arriver dans le pays ou la ville que je souhaite atteindre. Lorsque le lépreux et le chauve ont répondu que les biens qu'ils ont en leur possession, ce sont des biens qu'ils ont hérités de père en fils. C'est-à-dire que ces biens, ce sont ses ancêtres qui ont eu en leur possession ces biens, puis ils se les sont légués les uns les autres de père en fils. Sayyarak Allahu ila ma kunt, qu'Allah fasse en sorte que tu retournes et que tu redeviennes comme tu étais auparavant si tu mens. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte que tu retrouves ta première situation et qu'Allah Azza wa Jal fasse que la maladie revienne à toi. La ajhaduk, c'est-à-dire que je ne te serai pas contraignant, je ne te contraindrai pas et je ne te contrarie pas en te demandant de me rendre ce que tu as pris, ou une partie de ce que tu as pris. Et ceci était la réponse de l'aveugle qui a bénéficié de la satisfaction d'Allah Azzawajal, contrairement aux deux premiers contre qui Allah Azzawajal était courroucé. قال شيخ الفوزان حفظه الله المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة الذين أصيب كل منهم بعاهة في الجسم وفقر في المال ثم إن الله سبحانه أراد أن يختبرهم فأزال ما أصابهم من العاهات وأدر عليهم الأموال ثم أرسل إلى كل واحد منهم الملك بهيئته الأولى من المرض والقرع والعمى والفقر يستجديه شيئا يسيرا وهنا تكشفت سرائرهم وتجلت حقائقهم فالأعمى اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها فأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله وكفر الآخران بنعمة الله عليهما وجحد فضله فاستحق السخط بذلك مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان حال من كفر النعم ومن شكرها Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe au sujet de ces trois dont chacun a été touché par une maladie dans son corps et une pauvreté dans ses biens. Puis Allah Azza wa Jal a voulu les éprouver, les tester. Il a tout d'abord enlevé de la maladie dont ils souffraient. Et Allah Azza wa Jal leur a donné des biens en abondance. Puis il a envoyé à chacun d'entre eux un ange qui avait l'apparence, leur apparence initiale, c'est-à-dire leur apparence lorsqu'ils étaient malades, à savoir le fait d'être chauve, d'être aveugle et d'avoir la lèpre et également la pauvreté. Car l'ange est venu sous la forme d'un voyageur pauvre. Or, ces trois personnes étaient à la fois malades et pauvres. Afin de leur demander une chose moindre. De leur demander une chose moindre. Les trois avaient chacun une vallée pleine de ces bestiaux. Et à chaque fois, cet ange leur demandait une seule et unique bête afin de pouvoir continuer son voyage. Puis il dit, Hafidhahullah, et à ce moment, les parties cachées se sont dévoilées, leurs parties cachées se sont dévoilées et leur réalité est apparue. Quant à l'aveugle, il a reconnu les bienfaits d'Allah sur lui et il a attribué les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala et il a donné le droit d'Allah dans ses biens. Il a donc mérité la satisfaction d'Allah azza wa jal. Quant aux deux autres, ils ont été ingrats vis-à-vis des bienfaits d'Allah azza wa jal et ils ont renié le bienfait d'Allah azza wa jal sur eux. Ils ont alors mérité le courroux et la colère d'Allah Azza wa Jal. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith l'explication de la situation et de l'état de celui qui renie les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et l'état de celui qui est reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الحديث أولا وجوب شكر النعمة في المال وأداء حق الله فيه ثانيا تحريم كفر النعمة ومنع حق الله في المال ثالثا جواز ذكر حال من مضى من الأمم ليتعظ به من سمعه رابعا أن الله يختبر عباده بالنعم خامسا مشروعية قول بالله ثم بك فيكون العطف بثم لا بالواو في Retenez de ce hadith cinq choses. La première, l'obligation d'être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, dans les biens qu'il nous octroie et de donner le droit d'Allah sur ces biens. Et concernant le musulman, le droit d'Allah, c'est la zakat. Allah Azza wa Jalla te donne des biens, tu dois être reconnaissant, tu dois reconnaître que ces biens proviennent d'Allah et d'Allah Azza wa Jalla seul, et que si Allah ne t'avait pas facilité les causes, si Allah ne te l'avait pas permis, tu n'aurais pas pu obtenir ces biens. Donc ces biens, tu ne les as pas grâce à ton intelligence, grâce à ta force, grâce à ta persévérance, etc., etc. Mais grâce à Allah et à Allah seul. Et également de donner le droit d'Allah sur ces biens. Et le fait de donner le droit d'Allah sur ces biens, tout d'abord, tu as accompli une obligation. Et deuxièmement, Allah Azza wa Jal purifie tes biens. Car parmi les sens de az-zakat, c'est la purification. Donc, les biens que tu as ont besoin d'être purifiés et tu les purifies en t'acquittant du droit d'Allah Azza wa Jal sur tes biens. Deuxièmement, on retient de ce hadith l'interdiction d'être ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azza wa Jal et l'interdiction de se priver de donner le droit d'Allah sur ses biens. Troisièmement, on retient de ce hadith l'autorisation de citer la situation des communautés qui nous ont précédés afin que médite et afin que résonne celui qui écoute. Car ici, le professeur Hassan a raconté l'histoire de trois personnes parmi les fils d'Israël, donc parmi les communautés précédentes. Quatrièmement, qu'Allah Azza wa Jal éprouve et teste ses serviteurs par les bienfaits. Et on a expliqué tout à l'heure l'épreuve de cela. Cinquièmement, qu'il est légiféré de dire par Allah puis par toi. C'est-à-dire que je ne peux, lorsque l'ange a dit, je ne peux atteindre ma destination que par l'aide d'Allah puis la tienne. Et ça, on a vu dans Kitab al-Tawhid, dans les chapitres précédents, que je place ma confiance en Allah, puis en toi. Et on ne dit pas, je place ma confiance en Allah et en toi. On ne dit pas, j'ai confiance en Allah et en toi. Non, j'ai confiance en Allah, puis en toi. Car le pronom « waw » a le sens d'égalité. Et lorsque tu dis j'ai confiance en Allah et en toi, c'est-à-dire tu mets sur le même piédestal Allah et cette personne. Mais lorsque tu dis je place ma confiance en Allah puis en toi, ou j'ai confiance en Allah puis en toi, eh bien ici la priorité est claire et évidente. Tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal, puis en telle et telle personne. Et ici, tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jal, puis de telle personne. La suite, on la fera la semaine prochaine, inshallah ta'ala.